La vie m'a laissé un goût amer, je la retourne, je la cambre, je lui mets les genoux à terre. La mort, on en a vendu un mort, les mains pour l'or, mais elles sont dans la merde. C'est tous des ingrats, demande à Kefke. Quand ça marche pour eux, ils oublient vite. Si on en est là, gros, c'est peut-être que. Peut-être car on s'use pas quand nos poches sont vides. Je suis conduit par des fans, extrait au palais. On disait que c'est pas pareil quand t'es pas là. C'est les arts qui font l'homme. Arrête de parler, la galère, je remercie Dieu d'être passé par là. D'être passé par là, bizarre pour t'éteindre, on t'allume. All right, mec, c'est comme la NASA. J'allume la fusée et j'arrive sur la lune. Et y'a rien qui arrive au hasard. La pure leur pète cloison nasale. Envoie la balle, j'suis démarqué, envoie la balle. J'vais me sortir frérot, j'ai la dalle. Ouais, j'ai la dalle, j'ai jeté l'épreuve dans la gueule. Plus fort grâce au coup dans la gueule. J'connais la faille, j'ai lâché ma haine sur la feuille. De toute façon, la concu, c'est de la caille. Trop m'écras ici, faut que j'm'en aille. Mon baisse est trop lourd pour ton œil. Range ton grenaille, tu bicraves, tu veux une médaille. J'ai vu que le blé pousse, donc j'le cueille. Et j'résonne dans la tête comme penalty. Tu m'aimes pas, mais tu peines à le dire. Plein de déchets comme Benor, Dieu. Je me fais rare comme Bellor, pur. Et j'ai pas le temps, je sais pas ce qui m'arrivera, mais j'y vais sans souci. J'aime pas l'odeur, j'allume un joint d'amnésia quand ça sent le roussi. Bellec fait la prod, j'écris tout de suite. J't'envoie pas les sons, je vais tout de suite. Dès que j'vois le platine, j'le balaye comme la bac, ma carrière, une poursuite. Oh oui, préliminaire, elle joue. Si tu perces pas, à quoi ça sert d'être doué? Élevé par un père très strict. J'en suis reconnaissant, donner de l'amour en blessant. J'dormais dehors en décembre, t'es bête quand t'es adolescent. Non, je veux pas briller. Les bâtons dans les roues, on les a pliés. Du fin fond de ma cellule, j'ai négocié. All road, c'est les cartouches, j'suis le canoncier. Non, je veux pas briller. Les bâtons dans les roues, on les a pliés. Du fin fond de ma cellule, j'ai négocié.